ils vont poursuivre avec pédagogie pour qu'on vende au pire. Pédagogie, tu parles, à moins de nous passer le cerveau à la machine, c'est mal barré pour que l'on parle pour le coup. Le dernier sondage d'opinion. Ah, sur un des côtés du port qui donne sur une grosse artère de Rouen. Et à nouveau un face-à-face avec la police. Et pas bien loin. Et des gilets jaunes qui sont devant. Et puis des syndicats. Salut Bruno. Bon. Tu prends des souvenirs de vacances? Ouais. Tu filmes les policiers là qui sont en faction à la sortie du port? Ce n'est que provocation. Ce n'est que provocation de toute façon parce que tout se passe bien ici quoi. Bah, ils nous ont envoyé un drone là, t'as vu? Ouais. Il paraît qu'on est en démocratie, bah, on va essayer de se battre au moins pour qu'on reste en démocratie. Bah, ce que je vois, c'est plutôt l'installation d'un état policier qui se met en place quoi. C'est juste de la provocation. Juste de la provocation. Ce qu'il y a, faut pas que. Faut pas que les copains soient tentés. Parce que bon, arrive un moment, le ras-le-bol et tout. Ça se comprend quoi. On n'est pas des. On est humain. On est humain. Voilà. Ah, les flics reculent. Allez, ils se cassent, c'est les gendarmes avec. Randonnion. Merci Anthony, on a du courage. A plus. Qu'on vienne discuter ensemble des suites au combat. Alors là, on est devant la capitainerie, c'est ça? Ouais. Il y a des belles grilles. Hein. Il n'y a aucune dégradation. Non. Qui est-ce qui a posé les grilles? Bah, je sais pas. Je me demande qui a posé les grilles. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Hein. On voit qu'ils ont des bons soudeurs chez eux. Ben, ils n'ont rien de dégradé, c'est impeccable. Oui, ouais, et puis c'est du solide, hein, ce qu'a été posé. Ah, bah oui, il faut y aller, là, je crois que c'est au moins d'un camion bélier, là. Ouais. C'est aussi facile à enlever. Hein? C'est difficile pour les gens de la direction de rentrer, là, en fait. Ouais, je pense ici, ouais. Ouais. Bah, tant mieux, comme ça, ils vont s'occuper de leurs enfants et de leurs femmes. Ouais. Voilà. Toi, t'es de la CARSAT? Ouais. Et ouais. C'est quoi la CARSAT? La CARSAT, c'est la caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Ah, voilà. Ce qui est... par ce qui se passe. Ah, absolument, on est au premier rang. Il faut savoir que dans le projet de loi, là, ça va être aussi la fin des CARSAT. Donc tout va être dématérialisé, donc ça va être très très vite hein, pour calculer les retraites. Sauf que ça va être complètement obscur parce qu'on saura, voilà, on saura pas comment a été calculée sa retraite, du coup. Voilà, on n'aura pas, à chaque fois qu'on aura des questions, on n'aura personne en face. ça va être complètement comment dire, opaque. C'est la Startup Nation des voilà, services absolument, publics. Voilà, absolument, voilà. C'est un monde pour les premiers de la classe, voilà, ça ruisselera pour les autres si, ça, si jamais ça ruisselle. Ouais, ça ruisselle comme Lubrizol, voilà, quoi. Voilà, exactement. Ça ruisselle de la pollution. Exactement. C'est quoi ton prénom ? Hassen. Merci Hassen. Voilà, je te remercie. C'est le début des nouvelles épreuves de contrôle continu du bac, comme on dit. Donc voilà, essayer d'empêcher, voilà, on va voir comment concrètement après on va se répartir sur les différents lycées de l'agglo. Mais il faut aussi construire le programme de la semaine prochaine. Demain, 4h30, on aura l'intersyndicale départementale. Mais l'intersyndicale départementale, ce qui est bien, c'est qu'on ait des idées qui remontent des différents secteurs. Hein, on n'est pas plus intelligent que les autres. L'intelligence, elle est à la base. Donc voilà, il faut déjà qu'on recense ici toutes les idées pour la semaine prochaine. Parce que si l'intersyndicale nationale a appelé à mercredi, jeudi, vendredi, avec évidemment, je crois que c'est dans la tête de tout le monde, de nous-mêmes, de nos collègues, hein, tout le monde regarde le 24, voilà. Mais d'ici le 24, et la réussite du 24, ça passe par des actions tous les jours. Donc il faut déjà, l'intersyndicale appelle à une manif nocturne jeudi 23. Donc on va commander des flambeaux, etc. pour jeudi. Mais il y a effectivement tout le programme à construire. Mais le mieux, c'est qu'on le construise sur les propositions des secteurs et puis sur là où il y a besoin des coups de main, quoi.